Cours numéro 1. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنبدأ في هذا اليوم في درس جديد. On commence à partir d'aujourd'hui بإذن الله عز وجل ونسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة. Donc on commence à partir d'aujourd'hui ce nouveau dors, cette nouvelle étude de هذا السفر العظيم, cet ouvrage très bénéfique de l'imam Ibn Hibban al-Busti rahmatullah alayh, ay son livre qui est mashhour inda talabat al-ilm wa huwa rawdatu al-uqala wa ma yahtaj ilayhi al-muluk wa an-nubala. هذا الكتاب, c'est un ouvrage très très important pour al-muslim et encore plus pour talib al-ilm. Limadha? Li'anna ce livre, il traite d'un sujet essentiel, fondamental dans notre din, ay les bons comportements. Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi al-karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hakadha wasafa nabiyahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié son messager annahu ila khuluq 'azim. Il avait un très très bon comportement, alayhi salatu wassalam. Bel, c'est l'être humain qui avait le meilleur comportement. Wallah subhanahu wa ta'ala amurana bi at-ta'assi bihi, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de prendre pour modèle le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Qala azza wa jal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Celui qui espère l'au-delà, celui qui veut la guider, celui qui veut suivre la vérité, il doit suivre le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام. C'est notre modèle, c'est le meilleur des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi pour répandre la vérité et la lumière. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. Et parmi les objectifs de son message, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam pour propager plusieurs choses, bien sûr, at-tawhid awalan, et al-ibadat kulliha, ces adorations qui doivent être fondées sur la sincérité, sur le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Wa kadhalik al-Nabi sallallahu alayhi wassalam, il a été envoyé pour parfaire les bons comportements. Fasamin أعظم وأهم مقاصد هذه الشريعة السمحاء. C'est pour ça qu'on doit tous faire des efforts, on est tous concernés par هذا. Améliorer notre comportement, se corriger. On a tous des manquements, on a tous des faiblesses. لكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى أنه أولا يركنه ses manquements, ses torts, ses faiblesses, etc. Ou thanian, il fait des efforts pour se corriger. On doit tous faire des efforts. Fi hadha al-bab al-azim. Et ta'ammal cet autre hadith que l'imam Abu Dawood et d'autres, ils ont rapporté à Abi Darda, radiyallahu anhu, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal ma min shay athqal fil mizan min husn al-khuluq. Parmi les choses qui pèseront le plus lourd, yawm al-qiyama, sur la balance, ça sera le bon comportement. Enfin, ce jour-là, on aura tous besoin de hasanat. Ce jour-là, on espérera tous la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, on espérera tous réussir cet examen. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé que pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que pour l'adoration. Et les comptes, ça sera par rapport à cette adoration. Et parmi les adorations essentielles, important, c'est corriger son comportement. Wa الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلام نفيس qu'on peut lire dans cette introduction, au moins le résumé. C'est un كلام مفيد جدا. قال رحمة الله عليه كما في مدارج السالكين قال الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. Notre دين, notre religion, elle est fondée sur les bons comportements. Bien sûr, le comportement qu'on doit tous savoir au départ, c'est le bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorer seul, ne pas lui donner d'associés, être reconnaissant quand il nous donne, patienter quand il nous éprouve, subhanahu wa ta'ala. L'aimer plus que nous-mêmes, plus que toute autre chose, c'est le créateur, azza wa jal, c'est lui qui mérite l'adoration. Respecter son livre, obéir à ses ordres, s'écarter de ses interdits, jalla wa ala. Wa hakada, le bon comportement envers le messager d'Allah, alayhi salatu salam. Lui obéir, qabla d'aller croire en lui, l'aimer plus que nous-mêmes, défendre son honneur, aimer ceux qui l'aiment, détester ceux qui le détestent, le prendre pour modèle. Et ces deux points, walillahi alhamd, on les a déjà détaillés kathiran. قال الإمام القيم رحمه الله وقد قيل إن حسن الخلق بدل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى بدل الندى وكف الأذى أي le bon comportement بعضهم ils l'ont résumé أن أنت tu dois faire du bien et tu dois préserver les autres de ton mal et si on te fait du mal tu dois patienter وقيل حسن الخلق بدل الجميل وكف القبيح. Alors, Wardahoum, ils ont défini les bons comportements par cette phrase résumée. Redlul Jamil, et le fait de faire du bien, donner du bien, propager le bien, wa kafful qabih, et s'abstenir de faire du mal. قال وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها. وعلم أخي الكريم, هذا النقل de l'imam al-Qayyim رحمه الله, il est très très important. لماذا؟ لأن il a résumé le sujet qu'on va détailler ensemble, inshallah ta'ala, dans l'étude de ce livre sur les bons comportements. Lakin, huna ila cité une faïda tayyiba, anna, le bon comportement, il est basé sur quatre piliers, quatre fondements. Qala as-sabru, wal-ifa, wal-shaja'a, wal-adl. As-sabr, ay la patience, le premier pilier, qala yahmiluhu ala l'ihtimal wa kadhm al-ghayd wa kaff al-adha. والحلم والأناء والرفق وعدم الطيش والعجلة. الصبر, la patience, ça va t'aider بإذن الله عز وجل à patienter face au mal des autres. كظم الغيظ, à retenir ta colère. والحلم, أي ne pas être dur envers ceux qui ont fauté envers toi. بل tu patientes, tu pardonnes. والرفق, la douceur. وعدم الطيش والعجلة. Et ne pas se précipiter, ne pas être fougueux, ne pas mélanger les choses, ne pas brûler les étapes. Donc toutes ces choses, vous avez remarqué, qui font partie du bon comportement, la source, c'est la patience. Deuxième pilier, al-if. قَالَ تَحْمِلُهُ عَلَى اشْتِنَابَ الرَّذَائِلُ وَالْقَبَائِحِ مِنَ الْقُولُ وَالْفِعْلُ. Al-if, c'est avoir cette qana'a, cette suffisance. Ne pas courir toujours après الدنيا. هذه العفة, cette عفة qu'il a dans son cœur, cet homme ou cette femme, ça va le pousser à ne pas suivre les mauvaises choses, à ne pas vouloir absolument tout, que ce soit des paroles ou des actions. قال وتحمله على الحياة. كذلك هذه العفة. العفة, c'est celui qui ne demande pas aux autres, celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui préserve son honneur. Ça va le pousser à quoi? Ça va le pousser à être pudique. La pudeur. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. Ça montre que la pudeur, c'est un comportement avec beaucoup de profit pour le croyant. ثالثا الشجاعة, le courage. On répète les deux premiers piliers, la patience et العفة. الصبر والعفة. Le troisième الشجاعة, le courage. قال تحمله, أي هذه الصفة, على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى بذل الندى الذي هو شجاعة النفس وقوته على إخراج المحبوب ومفارقته. Ce courage que ce mu'min ou cette mu'mina ils ont dans leur cœur, ça va les pousser à de nombreux comportements, de nombreux bons comportements. Parmi ces comportements, le fait de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأنه لا يخاف الفقر. Il n'aura pas peur de la pauvreté. Il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك, ce courage va lui permettre de maîtriser sa colère. لماذا لأن alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette chaja. Il n'a rien à prouver aux autres. Il n'a rien à montrer aux autres. Son but à cet homme ou cette femme, ce mu'mina ou cette mu'mina courageux, c'est rid Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ceux qui ont un problème fi هذا الوصف, ils ont un manque de chaja, ils essayent de prouver aux autres. Ahyanan, ils perdent leurs moyens. Ahyanan, ils ne maîtrisent pas leur colère. Ahyanan, ils mélangent. Ahyanan, ils essayent de repousser une chose alors que aslan, il n'y a rien. قال رابعا والعدل. العدل, c'est la justice. قال يحمل على اعتدال اخلاقه. انه il suit toujours le juste milieu. Il n'exagère pas. Il s'éloigne des deux extrêmes. Al-ifrat wa al-tafrit. Il n'exagère pas. Hatta il dépasse les limites. Et كذلك il s'éloigne du laxisme. Le juste milieu, c'est ça l'adl. قال يحمله على الاعتدال او على اعتدال اخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الافراط والتفريط. Donc دائما le juste milieu. Si on fait des efforts, ya ikhwan, dans ces quatre points, dans ces quatre piliers qui sont la base de tous les bons comportements, on répète la patience, as-sabr, wal-iffa, wal-shaja'a, wal-adl. Alhamdulillah, ça va nous ouvrir de nombreuses portes, ça va nous faciliter à tariq pour pouvoir améliorer, pour pouvoir nous corriger dans notre comportement. قال ومنشا جميع الاخلاق السافله وبناؤها على اربعه وهكذا. Les mauvais comportements, ils sont fondés sur quatre piliers. قال الجهل والظلم والشهوه والغضب. C'est quatre maladies. هذه الأمراض إذا تمكنت من القلب ça fera beaucoup de mal à ce mu'min ou à cette mu'mina. Le premier mal, le premier obstacle, الجهل, l'ignorance. قال يريه الحسن في سورة القبيح والقبيح في سورة الحسن. L'ignorance, à cause de son ignorance, il va penser que cette chose elle est bonne alors qu'elle est mauvaise, elle est néfaste. Mais il peut penser que cette chose elle est néfaste alors que cette chose, elle est très très profitable pour lui. La cause, c'est quoi? C'est son ignorance. قال والظلم. Deuxième pilier des mauvais comportements, الظلم, l'injustice. قال يحمله على وضع الشيء في غير موضعه. Cette injustice, elle va pousser cette personne à manquer de hikma, à ne pas mettre les choses à leur place. أحيانًا il faut s'énerver, il ne s'énerve pas. Ahyanan, il faut maîtriser sa colère, il ne maîtrise pas sa colère. Ahyanan, il faut se précipiter, il ne se précipite pas. Ahyanan, il ne faut pas se précipiter, ouais, il se précipite. Ou hakada. L'injustice, al-dhulm, avec l'ignorance, ça pousse al-muslima ou al-muslima à se faire du tort à soi-même et aux autres. Qala fayaghdhab fi mawdi' ar-ridha wa yardha fi mawdi' al-ghadab. Quand il faut se mettre en colère, il ne se met pas en colère. Et quand il ne faut pas se mettre en colère, c'est l'inverse. قال ويجهل في موضع الأنا ويبخل في موضع البذل وهكذا. أحيانا il faut donner, il ne donne pas à cause de son ignorance et son injustice. أحيانا il ne faut pas donner. C'est pas tout le monde que tu dois donner, c'est pas dans tous les moments que tu dois donner, لكن à cause de son ignorance et son injustice, il mélange tout. ثم il a cité plusieurs exemples. مثلا il a cité un autre exemple, ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين. Ahyanan, il faut être doux. Et ouais, il emploie la dureté. Ou revilax, ahyanan, il faut être ferme. Et ouais, il emploie la douceur. Et il se fait beaucoup de mal. Prends l'exemple avec tes enfants. Ahyanan, tu dois avoir de la fermeté, de la dureté. Limada, liana al-maqam, c'est un maqam tarbiya. Liana, t'es dans une situation où tu dois montrer l'exemple, tu dois mettre des limites. Si tu es trop doux, tu te laisses aller. Les enfants, naturellement, ils essaieront de prendre leur dessus. Les enfants, ils sont attirés par plusieurs choses. Et ils n'ont pas de limite. Et si tu n'as pas cette fermeté, tu te feras du mal et tu feras du mal à tes enfants. Rien n'a niveau de la douceur. Et il est dur. Madalène, avec des personnes de ton entourage, tu n'es pas responsable de cette personne. Et cette personne, elle fait déjà certaines choses. Et le fait d'être dur, ça changera rien. Belle, ça peut la repousser. Fi hadha al-hal, on doit employer la douceur. Wa ma kana rifq fi shay illa zana. Hakada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thumma il a cité d'autres exemples. Thumma qala wa shahwa. Donc la troisième source des mauvais comportements, ash-shahwa. Ash-shahwa, c'est suivre ses envies, suivre ses passions. Qala tahmiluhu ala al-hirs wa shuh wa al-bukhl. Cette shahwa, elle va le pousser à l'avarice. Elle va le pousser à penser qu'à lui. Elle va le pousser à vouloir amasser les biens de ce bas monde sans cesse. Qala rahimahullah wa adam al-iffa wa al-nihma wa al-jash' wa al-dhul wa al-dana'at kulliha. Et vu que al-kuffar, ils sont éloignés des bons comportements, ils n'ont pas la foi, tu les trouves annahum ya'ishuna à cause de cette shahwa comme des animaux. Balhum adallu sabila comme قال عز وجل. Mais ils sont pires que les animaux. Les animaux, wallah alhamd, ils font, ils remplissent leur objectif. Ils mangent, ils se reproduisent, ils l'achètent. Enfin, certains êtres humains, mina al-kafara khassa, et ceux qui leur ressemblent et qui suivent leur pas, ils atteignent ce niveau à cause de cette shahwa. Ils pensent qu'à leur ventre. Et ils pensent qu'à assouvir leur désir, ayyadam billah. Qala, vous avez remarqué que c'est l'inverse de al-ifa. Al-ifa, c'est celui qui se préserve, qui se maîtrise. Qala wal ghadab, la quatrième source qui pousse au mal, au mauvais comportement, la colère. Ne pas se maîtriser. Qala yahmiluhu ala al-kibr wal hiqd wal hasad. Ça va le pousser à envier les autres, à être jaloux, à l'orgueil. Wal udwan wa safah. Kadhalik, cette colère, elle peut le pousser à l'udwan, à dépasser les limites, à être injuste. À cause d'une crise de colère, il peut être injuste envers son épouse, ou envers ses parents, ou envers ses enfants, ou envers ses voisins. Thumma, les regrets ahyanan, ça ne répare pas les dégâts causés. Alihada, on doit maîtriser ce sujet. L'imam alayana, le bon comportement, on en a besoin à chaque instant. Ça fait partie de notre dîn. Ça fait partie de notre dîn. La récompense, elle est énorme. C'est parmi les choses qui pèseront le plus yom al-qiyam. Et qu'elle allait contredire ces nobles comportements. Contredire la voix du prophète, alayhi salatu salam, ça pousse qu'au mal. Comme minannas, à cause de leur mauvais comportement, ils ont perdu beaucoup de choses. Combien de gens, ils ont divorcé. Ils se sont séparés de leurs proches. Wa'adhum, ils sont en prison. À cause du mauvais comportement, à cause d'un manque de maîtrise, à cause de l'ignorance, à cause de l'injustice. Intaha kalam Ibn al-Qayyim, il est assez long, lakin on l'a résumé, celui qui veut le lire entièrement, il est très très profitable. Fi madarij as-salikin de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Na'am, fa on disait, mitl hadhihi ad-durus sur les bons comportements, on le répétera jamais assez, c'est très très important. Et on revient à notre livre, on a choisi ce livre, Awulan, لأن l'auteur, c'est un grand imam parmi les imams de la Sunna, l'imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, rahimahullah. Il est mort en 354 de l'Hégire, alayhi rahmatullah. Donc il fait partie des anciens, des imams de la Sunna. Et on a choisi ce livre, l'imam, لأن ce livre, il l'a fondé sur des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Kadhalik, il a donné une explication très très simple et profitable. Kadhalik, ce livre, pour chaque comportement, il a cité un chapitre. Il a écrit 50 chapitres avec 50 comportements très très profitables. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi sharh hilyat talib al-ilm, qala, il a dit concernant ce livre, min ahsan ma ra'ayt, kitab روضة العقلاء وهو كتاب مفيد على اختصاره وجمع عددا كثيرا من الفوائد. Ce livre fait partie des meilleurs livres que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a pu voir concernant les bons comportements. C'est un kitab mufid, à l'ikhtisari. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, il est assez court. Wa ma'a hadha, nous on va le résumer. On va lire une grande partie du livre, lakin l'imam al-Hibban, rahimahullah, il a cité un hadith pour chaque chapitre. Thumma, il a cité une brève explication qu'on lira ensemble, inshallah. Thumma, il a cité des vers de poésie ou des paroles d'imam avant lui. Imma de compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, imma des imams de la sunna. Lakin, vu que ahyanan, il cite plusieurs vers de poésie qui vont dans le même sens, nous, on se contentera d'un vers. Ou de deux vers. Mouhim, on résumera. Wa hakada, la parole des imams, si elles se ressemblent, on les lira pas tous. Limada, li'anna, même si le livre, il est assez résumé, à peu près 500 pages, si on le lit entièrement, ça nous prendra beaucoup de temps. Et si on le résume, alhamdulillah, al-fa'ida, ça t'accourt, lui, idnillah azza wa jal. Le but, c'est de profiter de ses bons comportements et de les mettre en application. Lihada, on étudiera le livre avec cette méthodologie. Walillah alhamd. On conseille nos frères, comme d'habitude, au début de chaque dors, d'avoir le support avec eux, le livre. On l'a propagé. Et ce livre, vous le trouverez très simplement sur Internet. Pour ceux qui ne l'ont pas, ils l'ont propagé au format PDF. Alhamdulillah. On conseille nos frères d'abord le livre. Même si ça va être assez compliqué pour certains. On ne va pas tout lire. Donc il faudra suivre. Je vais lire Madeleine et je vais m'arrêter. Je vais reprendre la page suivante pour résumer. Amma, les frères qui sont avec nous, on leur a donné le résumé. Et ceux qui ne sont pas avec nous, qui suivent en ligne, alhamdulillah. Et ils essayent de suivre. On commence la lecture, l'introduction de l'auteur. رحمة الله عليه قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقة واعتماد هذا سيبا كلام المؤلف للإمام ابن حبان لعله سيسلوي كي رابورتي لو ليفر لماذا لأنه قال الشيخ الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان ابن أحمد البستي رحمه الله الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجالها والعالم نعم كان هو العالم يتقلبها نعم قال والعالم نعم أي الله عز وجل والعالم بتقلبها وأحوالها donc il a commencé son livre بهذا الحمد العظيم Et il a loué Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأن الله سبحانه وتعالى c'est le créateur de toutes choses. هذا قوله المتعزز بعظمة الربوبية. C'est le seul qui gère cet univers. C'est le seul créateur. C'est le seul qui peut te donner un bien, te retirer un mal. كذلك vu que c'est lui الرب عز وجل, c'est lui qui mérite l'adoration seul. فلهذا نحمد الله سبحانه وتعالى على ألوهيته وعلى ربوبيته فهذا قوله الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية قال القائم على النفوس أو على نفوس العالم بآجالها والعالم بتقلبها وأحوالها نعم الله سبحانه وتعالى il sait tout il sait la durée de vie de chacune de ses créatures عز وجل C'est lui qui guide qui il veut, c'est lui qui égare qui il veut, Azza wa Jal. C'est lui qui élève qui il veut, c'est lui qui rabaisse qui il veut. C'est lui qui donne à qui il veut, c'est lui qui reprend à qui il veut, Azza wa Jal. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل. نعم دروس، أي إذا درس الشيء أي انتهى، ذهب، انقطع. قال: فدمغ به الطغيان وأكمل به الإيمان وأظهره على كل الأديان، وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وعلى آله أجمعين. هذا الإمام رحمه الله، الله سبحانه وتعالى يبادني دو لا قوة في التعبير دو لا فصاحة دو لإلوكونس. Vous avez entendu هذا الكلام الجميل من غير التكلف، أنه يسيتي دي des sens très très profitables avec des phrases très très courtes. ثم قال: أما بعد، فإن الزمان قد تبين للعاقل تغيره ولاح للبيب تبدله، حيث يبس ضرعه بعد الغزارة وذبل فرعه بعد النضارة، وقحل عوده بعد الرطوبة، وبشع مذاقه بعد العذوبة. Il a commencé, rahmatullah alayhi, dans cette introduction en démontrant que à son époque, les choses elles avaient changé. Et par rapport à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. On rappelle l'auteur, l'imam Abu Hatim Ibn Hibban, rahimahullah, il est mort en 354. Donc, trois siècles après la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. À cette époque, il a ressenti un changement dans les bons comportements, dans les façons d'agir, etc. قال: فنبغ فيه أقوام يدعون التمكن من العقل باستعمال ضد ما يوجب العقل من شهوات صدورهم، والترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم. Pour revenir au titre, il faut comprendre le titre pour comprendre هذه المقدمة. Et pour كذلك pouvoir profiter de tous ces chapitres qu'il a cité rahmatullah alayh. Ce livre il l'a appelé روضة العقل وما يحتاج إليه الملوك والنبلاء. D'autres savants ils ont cité d'autres titres. لكن الذي يظهر أن ce titre c'est le plus proche. Et là, c'est ce titre que l'auteur il avait choisi. Et les autres titres ils ressemblent. على كل حال نحن va garder ce titre. روضة العقل. Vous connaissez le mot رياض. رياض الصالحين. الروضة. C'est le singulier. فالرياض الروضة c'est les jardins. العقل c'est le pluriel de عاقل. Le mot qu'il a cité, Huna, Kala, on peut répéter, فَإِنَّ الزَّمَانَ قَدْ تَبَيْنَ لِلْعَاقِلِ. Donc dans ce livre, rahmatullah alayhi, vu que l'imam Nuhibban à son époque, et qu'est-ce qu'on va dire nous de notre époque? Si à son époque, l'époque de Al-A'im Al-Kibar, l'époque où il y avait encore énormément de khayr, où que le mal... il n'était pas encore répandu, surtout pas comme notre époque. Fama'ahada, il a vu ce changement, il a décidé d'écrire ce livre. Ce livre, c'est comme une rawda, c'est comme un jardin. Tu vas te déplacer dans ce jardin, tu vas profiter de cette bonne odeur, tu vas profiter de هذه المناظر الجميلة, et ce paysage, tu vas profiter de certains fruits. Tu vas profiter de al-hawa al-tayyib. Tu vas respirer un air pur en profitant des fawa'id qu'il a cités. Ce jardin, c'est le jardin des uqala. C'est pas tout le monde qui peut pénétrer dans ce jardin. C'est al-uqala. Al-uqala, c'est le pluriel de aqil. Al-aqil, ça vient du mot aql. Al-aql, c'est la raison. Donc, rawdatul uqala, c'est ce jardin qui est réservé pour les doués de raison. Et on a ne pas comprendre les doués de raison, simplement ceux qui ont la raison, en tant qu'être humain, celui qui n'est pas malade, qui n'a pas perdu cette raison, qui n'a pas une déficience mentale, c'est un aql. Lakin on a là le mot aql, ça va plus loin. Et on détaillera pas tout ici, ça sera le sujet de jeudi, inshallah, le premier chapitre, Dhikr al-Hath ala l'uzum al-Aql. Ibn Hibban, rahimahullah, il a montré c'est quoi un véritable Aql. Et on peut résumer ici, al-Aql, c'est celui qui met en application son dîn. Le doué de raison, c'est celui qui met en application al-Qur'an ou sunnah. C'est celui qui sait ce qui est profitable pour son dîn, ce qui est néfaste pour lui. Al-Aql, c'est celui qui a un véritable objectif. Et le véritable objectif, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de faire partie de ceux qui ont réussi yawm al-qiyama. Al-Aql, c'est celui qui prépare le jour des comptes. Al-Aql, c'est celui, il sait, il a la conviction, il est convaincu, annahu, il ne s'éternisera pas dans ce bas monde. Donc Al-Aql, c'est celui qui travaille pour l'au-delà. Donc Ibn Hibban, rahimahullah, il a écrit ce kitab pour Ha'oula al-Uqala. Des enseignements, des leçons profitables pour al-Uqala. Thumma qala, rahimahullah, فنبغ فيه أقوام يدعون التمكن من العقل باستعمال ضد ما يوجب العقل من شهوات صدورهم وترك ما يوجبه نفس العقل بهجسات قلوبهم جعلوا أساس العقل الذي يعتمدون عليه عند المعضلات النفاق والمداهنة. وبعض الناس vu que leur fitra a changé, vu qu'ils ont délaissé le suivi du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont une conception des choses, plus précisément ici, des bons comportements qui n'est pas fondé sur la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Pour eux, al-aqil, intérieurement, c'est qui? C'est celui qui a du nifaq et de la mudahana. Al-nifaq, mot à mot, ils traduisent par l'hypocrisie. Ce qui est voulu ici, c'est ceux qui ont un double visage. À notre époque, il y a des triples et des quadruples, il a akhiri visage. بعضهم عيادا بالله يpense que العاقل c'est celui qui ruse, celui qui arrive à s'adapter à chaque situation en ayant plusieurs visages, en appliquant l'hypocrisie, عيادا بالله. C'est pour ça que Ibn Hibban rahimahullah هنا il montre que c'est pas ça le chemin des uqala, les doués de raison, ils n'agissent pas ainsi. قال والمداهنة. Donc deux choses, ça c'est les choses concernant l'intérieur. Thomas, il a cité deux choses concernant l'apparence. قال وفروعه عند ورود النائبات حسن اللباس والفصاحة. تأمل ces quatre choses. Et tu vas voir que c'est exactement la même chose à notre époque. Lakin en pire. On revient aux deux choses, aux deux éléments concernant l'intérieur et le cœur. بعض الناس pense que العاقل, celui qui réussit, c'est celui qui ruse, celui qui a plusieurs visages, celui qui est hypocrite. On le voit dans la société où on vit. Ils ont un ifaq ajib. Il parle avec les kuffars, il a une position. Il parle avec les muslimines, il a une position. En public, il a une position. Seul, il a une position. Iyadun billah, il n'a aucun principe. On va citer un kalam d'Ibn Qayyim, rahimahullah, pour bien faire la différence entre le mudahana ou le mudara. Les madan, les anna, ça se ressemble. Qal Ibn Qayyim, rahimahullah, في كتاب الروح سي انا جو هذا و ne l'avait pas dans le livre de l'imam Ibn Hibban. Et c'est normal, لان ابن القيم رحمه الله c'est un imam qui est venu bien après l'imam Ibn Hibban. قال رحمه الله والفرق بين المدارة والمداهنة ان المدارة التلطف بالانسان لتستخرج منه الحق او ترده عن الباطل. Ça c'est المدارة. Et ça c'est un bon comportement. Al-mudara, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends en compte la situation de la personne. Tu appliques la douceur. Pourquoi? Pour essayer de l'attirer vers la vérité et qu'il délaisse le faux. Ça, c'est le mudara. Lakin, sans délaisser tes principes. Sans mentir. Sans hypocrisie. Lakin, ta'lamoun, on ne peut pas faire un nasih à tout le monde de la même façon. On ne peut pas agir avec tout le monde de la même façon. بعض الناس غارقون في المعاصي. بعض الناس غارقون في البدع والمخالفات. Certains sont noyés jusqu'au cou, ونعوذ بالله من الضلال, dans les péchés, dans les innovations, etc. فهؤلاء, si on sent qu'ils nous écoutent, et avec notre douceur, calmement, sagement, petit à petit, on leur montre la vérité afin qu'ils suivent cette vérité et délaissent le batil, dans ce cas, on doit appliquer. C'est pour ça que c'est pas min al-hikma de tout dire à tout le monde. Peut-être qu'il fait certains péchés, tu ne vas pas les citer. Tu vas commencer par une chose, Mimbab al-Mudara, pour l'attirer auprès de toi, sans délaisser la vérité. Le contraire de l'Mudahana. قال ابن القيم رحمه الله المداهنة c'est quoi? قال التلطف به. Vous avez remarqué dans les deux il y a التلطف. التلطف ça vient du لطف, la douceur. التلطف به لتقره على باطله وتتركه على هواه. Ça c'est interdit. المداهنة c'est quoi? C'est avoir de la douceur, lakin pour le laisser dans le faux et tu l'appuies dans le suivi des passions. Comme ils font certains. Vous avez remarqué, certains ils sont avec des gens qui aiment la sunna et l'akhiri, il va te parler de sunna et l'akhiri. Quand il est avec des foussaks, des gens qui font des péchés, ben, des grands péchés, il est avec eux. Il est avec eux et il les appuie. هذه المداهنة, vous avez remarqué, elle est liée avec l'hypocrite. Avec l'hypocrisie. Fallait, هذا قال ابن القيم رحمه الله. فالمدارة لأهل الإيمان. المدارة, le fait de s'adapter, lakin, en gardant des principes et en montrant la vérité, ça c'est un comportement de Ahlul Iman, ceux qui ont la foi. Ou Al-Mudahana, les Ahlul Nifaq. Al-Mudahana, c'est pour les hypocrites. On revient à la parole de l'imam Al-Hibban, rahimahullah. Qala, ja'alu assas al-aql alladhi ya'tamidun alayhi 'inda al-mu'dilat al-nifaq wa al-mudahana. Donc, ha'oula, ils pensent que le al-aql, celui qui va réussir, c'est celui qui emploie l'hypocrisie et al-mudahana. On a fini avec les deux comportements concernant le cœur. On continue. قال وفروعه عند ورود النائبات حسن اللباس والفصاحة. بعض الناس pensent que c'est ça le bon comportement. C'est ça l'aql. Si tu as réussi, pour eux, en apparence, c'est que tu es bien habillé. À notre époque, كذلك, une belle voiture, une belle monture. والفصاحة et l'éloquence. Donc si tu as du nifaq, tu as plusieurs visages. المداهنة, tu n'as aucun principe. Belle, le premier qui vient, tu le suis. عياذا بالله. Avec une apparence soignée, aïe, des beaux vêtements, et al-fasaha, l'éloquence, Bard al-Nas dit c'est celui-là qui a réussi. Vous avez remarqué que Bard al-Awam, vu que les pauvres, ils sont baignés dans l'ignorance, pour eux, celui qui a une voiture, qui est bien habillé, qui sait parler, khasatan Bard al-Nas, ils savent parler, ils ont de l'humour, hakada, ils ne sont pas timides, enfin, hada, ça impressionne al-Awam, et encore plus s'il a du nifaq et de la mudahana. Et il s'adapte et il dit à tout le monde, à chacun ce qu'il veut entendre. Ils disent, Hada, il est rusé, il est malin, etc. Alors que Hada, il se fait beaucoup de mal. قال رحمه الله وزعموا أن من أحكم هذه الأشياء الأربع فهو العاقل. Et بعض الناس, ils ont pensé que celui qui a ces quatre choses, c'est lui العاقل, c'est lui qui a réussi, c'est lui qui a compris. L'avenir, elle appartient à ce genre de personne pour Haoula. Et si tu veux réussir, tu dois faire comme ça. Mentir, etc. قال الذي يجب الاقتداء به ومن تخلف عنه فهو الأنوك الذي يجب الأزورار. الأنوك قال في الحاشية الأحمق. نعم. الأنوك c'est الأحمق. C'est الجاهل, l'ignorant. Et pour eux, celui qui n'a pas ces quatre points qu'on vient de citer, pour eux, c'est un faible d'esprit. C'est un arriéré. Il a du mal, il ne comprend pas, etc. Na'oud billah. قال فلما رأيت الرعاء والرعاء كذلك بالفتح وبالكسر وينظر بالضم. بعضهم يقولون الرعاء ينظر. أما بالكسر والفتح فواضح. قال من العالم يغترون بأفعالهم والهمج من الناس يقتدون بأمثالهم دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف يشتمل تضمنه على معنى لطيف. ابن حبان رحمه الله vu qu'à son époque c'était déjà propagé ce genre de mauvais comportement, il a décidé d'écrire un livre pour montrer aux gens c'est qui al-uqala, c'est qui ceux qui ont réussi, c'est qui ceux qui sont vraiment doués de raison. C'est qui qu'on doit prendre comme modèle et qu'on doit respecter. Il a écrit ce livre, Rawdatu al-Uqala. Ta'ammal qawlahu ila tasnifin khafif. Ba'd an-nas rubama s'ils voient le livre ou ils entendent ou ils apprennent que le livre il fait 500 pages. Fa sayaquluna min ayna anna al-kitab al-mukhtasar li khafif. 'Inda al-a'imma ce mujallad qu'on a, ce volume de 500 pages, pour eux c'était un résumé. لماذا لأن الإمام ابن حبان رحمه الله إلى إكران ليفر سورة الضعفاء كتاب الضعفاء والمجروحين Il a écrit un livre, Sahih, Sahih Ibn Hibban. Ça, c'est des livres en plusieurs tomes, plusieurs volumes. C'est pour ça que pour 500 pages, Ibn Hibban, rahimahullah, il a écrit ce livre et son but, c'était de résumer. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont du mal à lire les séries de livres, les volumes. Et à notre époque d'Alex, c'est la même chose pour les audios. Pour être écouté, suivi, si tu dépasses 5-10 minutes, il n'écoute plus. Lakin, nastafid min hadha, nahnu, on fait des efforts et on ne suit pas la vague. Thanian, nastafid min hadha, on a vu qu'à notre époque, 500 pages, c'est devenu énorme. Pas pour faire profiter les autres. Alhamdulillah, on le résume. On le résume et ensemble, on lit la source, le support, l'original en arabe. On s'entraide et on essaye de clarifier l'essence. قال على معنى اللطيف مما يحتاج إليه العقلاء في أيامهم من معرفة الأحوال في أوقاتهم ليكون كالتذكرة لذوي الحجة عند حضرتهم. C'est une ni'ma min ni'amillah. On doit tous être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ce genre de durus, c'est une ni'ma. Étudier les ouvrages de ces imams, c'est un bienfait encore plus à notre époque. Ce livre, ça sera un rappel pour toi. Tu l'étudies, à chaque fois tu reviens. Quand tu as un manquement, des faiblesses, tu sens que ton cœur est durci, tu reviens à ce genre de livre et tu vas voir. Tu vas sentir ton cœur s'adoucir. Tu vas sentir ton comportement s'améliorer. Le livre, il est fondé sur des hadith, des paroles d'imam, des vers de poésie de l'arabe et des imams. Là, chacun a ses profitables pour le croyant. قال وكل معين لأولي النهى عند غيبتهم يفوق العامل فيه أقرانه والحافظ له أترابه يكون النديم الصادق للعاقل في الخلوات والمؤنس الحافظ له في الفلوات إن خص به من يحب من إخوانه لم يفتقده من ديوانه وإن استبد به دون أوليائه فاق به على نظرائه. Il a cité quelques profits de ce livre et pour résumer, Anna, c'est un livre très profitable. Chacun de nous, on en a besoin. قال أبين فيه ما يحسن بالعاقل استعماله من الخصال المحمودة ويقبح به إتيانه من الخلال المذموم. Donc le livre, il est fondé sur ces deux points. Le livre, tu peux le résumer en deux parties. Il a cité, rahimahullah, خصال من الخصال المحمودة. Des comportements que tu as besoin, que tu dois mettre en application. La piété, la pudeur, la douceur, la véracité, etc. قال ويقبح به إتيانه من الخلال المذمومة. Deuxième partie, des comportements à éviter. Enfin, il a montré des comportements à mettre en application, des bons comportements et des mauvais comportements à éviter, comme le mensonge, comme l'orgueil, etc. قال مع القصد في لزوم الاختصار. Eh نعم. لا شك أن عند أئمة السلف pour eux, un volume même de 500 pages, c'était vraiment un livre résumé. Wallahu musta'an. قال وترك الإمعان في الإكثار ليخف على حامليه. Donc son but c'était de ne pas écrire un livre assez épais pour qu'on puisse le transporter facilement, le prendre avec nous, que ce soit en voyage, etc. قال وتعيه أذن مستمعيه لأن فنون الأخبار وأنواع الأشعار إذا استقصى المجتهد في إطالتها فليس يرجو النهاية إلى غايتها. نعم. أما le fait de vouloir citer toutes les paroles des savants, tous les vers de poésie, toutes les preuves, voilà, chacun en a un volume, ça n'aurait jamais suffi. قال فليس يرجو النهاية إلى غايتها ومن لم يرح التمكن من الكمال في الإكثار كان حقيقا بين أن يقنع بالاختصار. نعم. أي أن l'essentiel c'est de comprendre le sujet. Alhamdulillah, ce qu'il a cité fihi fawaid azima. Et pour nous, ça sera comme une clé avec laquelle on pourra ouvrir des abwab, des portes, plusieurs portes dans d'autres domaines, que ce soit la langue arabe, que ce soit le bon comportement, bien sûr, que ce soit l'aqida, la croyance, que ce soit notre amour des savants, qabla dhalik, notre amour du prophète, alayhi salatu wasalam, qabla kulli shay, notre amour d'Allah, azza wa jal, wa hakada. قال رحمه الله والله الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد وإياه أسأل إصلاح الأسرار وترك المعاقبة في الأوزار إنه جواد كريم رؤوف رحيم، دعاء جميل، والله الموفق للسداد. هذا تنبيه أن ستيتود كون فافير نحن سي دي كوز كون في، وإلا فالموفق كما قال سي الله سبحانه وتعالى. Donc on fait des efforts dans notre étude pour améliorer nos comportements. قبل ذلك on n'oublie pas في الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ils ont rapporté de lui plusieurs invocations sur le comportement. Donc on doit demander à Allah عز وجل quand on est en prosternation في رمضان. تعلمون أن دعوة الصائم أي son دعاء son invocation elle est exaucée tant qu'il jeûne du matin jusqu'au soir. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il améliore nos comportements, qu'il nous facilite à nous réformer, à nous corriger. قال والهادي إلى سبيل الرشيد وإياس الإصلاح الأسرار. كذلك on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala comme il a demandé à l'imam Al-Hibban ici rahmatullah alayhi, islah al-asrar. Al-asrar, al-sir, c'est quelque chose qui n'apparaît pas, quelque chose caché, et le cœur. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Et la première étape, ou une des premières étapes pour réussir, c'est de reconnaître ses manquements. Iyakum wa iyana jami'an wal ghurur. Celui qui pense annahu, là, il a un bon comportement, annahu, il ne fait pas de mal aux autres, qu'annahu, il n'a plus besoin de se corriger, cette pensée, c'est un mauvais comportement. Et le shaitan, il l'a attaqué par hadal bab, de cette façon, pour qu'il ne s'améliore pas. On a tous des besoins. On a tous des besoins. Sahih anna ba'dhum, naturellement, ils ont plus de douceur que d'autres. Tu trouves d'autres personnes, ils ont plus de fermeté, plus de dureté que d'autres. Hada, c'est dans la nature de l'être humain. Lakin, on doit se corriger. On doit se corriger. Et on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'hikmah, qu'on puisse mettre chaque chose à sa place. Qala wa tark al-mu'aqabati 'ala al-awzar. Al-awzar, c'est le pluriel de wizr, les péchés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne. Qala innahu jawadun karim ra'ufun rahim. هذه سي دي نون الله سبحانه وتعالى. إلا الجواد العلماء اختلفوا فالذي يظهر سي كيل نيا با دو دليل كوم اون افي دون نوتر ايتود سور لي نون الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. اون دوموند الله سبحانه وتعالى كي نفاسيليت ليتود دو سيت اوفراج. اون دوموند الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما تعلمنا. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter de tout ce qu'on lit, tout ce qu'on apprend. Wa billahi tawfiq. On essaiera de lire un chapitre par cours. Il y a 50 chapitres, donc on essaiera de faire 50 cours. On commence à partir de jeudi le premier chapitre, inshallah. Et hakada qalilan, kama qulna ams, on fera que les 20 premiers jours de Ramadan, hatta les 10 derniers jours on essaye de faire des efforts في القيام و قراءة القرآن أكثر. Et Inch'Allah, on reprendra après le mois de Ramadan. هذا والله المستعان وحياكم الله ونكتفي بهذا. Et prochain cours jeudi à la même heure, Inch'Allah. Le cours, on le diffuse en direct sur MixLR pour ceux qui suivent, comme d'habitude. Et Kadali, qu'on a rajouté sur Telegram, la chaîne Les Sentiers du Savoir, pour faire profiter Kadali que nos frères qui ne sont pas sur MixLR, walhamdulillah. Naktafi bihada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.